Tournoi Bantam qui s'est déroulé hier dans le secteur de Mistassini. On s'en va rejoindre Pierre-Luc Ménard pour savoir un peu d'une façon un compte rendu de ce qui s'est passé. Salut Pierre-Luc. Salut Danny. Pierre-Luc, qu'est-ce qui s'est passé hier au tournoi Bantam? Ben, hier, on a quand même eu plus de 10 matchs à l'affiche. Donc, ça a été une super belle journée. Nos équipes locales se sont vraiment démarquées avec des grosses victoires, tant au niveau du B, avec une victoire de 6-1 contre les Patriotes de Saint-Eustache, que le 2B, les Rapides, ont été capables de vaincre là, la nationale de la B au match d'ouverture, ce qui leur donne une assez bonne chance d'aller en demi-finale demain. OK. Donc là, 10 matchs au programme. L'assistance, comment elle se trouve actuellement? Ça va bien. Le monde sont au rendez-vous, honnêtement. On est très contents de ça. Les gens participent beaucoup, encouragent. OK. Donc évidemment, ça va beaucoup avec ça va beaucoup avec l'équipe locale, hein? Non, mais. Si l'équipe locale est bonne, si ça va bien, il n'y a pas de problème. Non, effectivement, tu as bien raison, Danny. Ça fait toute la différence de la finale. OK. Donc, à surveiller, j'imagine, il est Parle. 8h33 au moment où on enregistre ce reportage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, présentement, il y a plus. Les games sont commencés depuis 8 heures jusqu'à 8h20 ce soir. OK. Donc, on a quand même plus de pratiquement une quinzaine de 18 games aujourd'hui. Donc, c'est une grosse 18 journée. matchs sur les deux plateaux, c'est ça? Oui, exactement. OK. Donc, on surveille ça, évidemment. Donc, pour les gens qui veulent voir, ben, ça vaut, qui veulent voir les matchs, c'est 15 $ le prix d'entrée, 5 $ pour les enfants, c'est ça? Oui, exactement. Pour la passe, c'est sûr que là, vu qu'on est rendu samedi, je pense que Ouais, les ça gens vont vaut. prendre plus la passe journalière. OK. Donc, c'est 6 $ pour les adultes, puis 2 $ pour les 13. OK. Donc, on rappelle évidemment que c'est sur c'est IGA, Steve Tremblay qui est le président d'honneur. Donc, et on remercie également les commanditaires qui rendent possible également le tournoi, Pierre-Luc. Oui, bien évidemment, on a la Caisse Desjardins qui est partenaire majeur, Jean Coutu. Marc-André Bouchard, Philippe Lavoie et Jean-Sébastien Ménard, Garmin Impression, Ouais. il y a plein d'autres partenaires qui sont là pour nous, mais on les remercie. Normalement, sans eux, ce ne serait pas possible d'avoir ce genre d'événement-là. Ben, bravo Pierre-Luc, puis on se reparle demain. OK, merci. Pierre-Luc Ménard du tournoi Bantam dans le secteur de Mississippi.